Goriot là qui a fait un truc comme ça, je crois. Monte ta batterie, ouais. Ouais, j'entends pas mieux. Thank you. te fais la version française si tu veux. Pendant les vacances, yeah yeah. Georgia, you know the rose? I sing just the country. Some say love, is a river that drowns a tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is anger, an endless sea. Say love, it is a flower, and you, it's only sea. Remember, in the winter, God with the sun's love, in the spring become the rose. I the sea that with the sun's love, in the spring. Bette Midler au départ, ça a été repris par Tranquille, en train de jouer la musique, tu prends le poids sur la gueule. Continue, il y a un truc en français là-dessus qui irait bien. Essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle a dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la gare. Ma mère en nous passant le plat de gratin. La Marie-Jeanne, elle était pas très maligne. Passe-moi dans le pain. Y'a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essonnes. Et voilà que Marie-Jeanne Guillaume a jeté du beau du pont de la gare. Fever is good. George Michael, ça. C'est George Michael. Non, non, j'ai compris. C'est très vieux, ça. Ah non, mais je confonds Fever. I get a sais pas la jouer. Good night. Bon ben les mecs, c'était bien sympa, je vous laisse, je vais au dodo moi. Goodbye all, goodbye Georgia. I play picking. Je sais plus. 14 years. We'll be right back. Thank you. Thank you.